Bonjour, c'est moi, Annie. J'ai quelque chose de très spécial pour vous aujourd'hui. Prêt ? 1, 2, 3. Quand j'étais une mangue plus haute que 3 pommes, maman me disait, traîne pas le soir dans le quartier avec des mauvais garçons qui manquent l'école, qui boivent de l'alcool. C'est ce qu'elle dit, maman, elle dit tout le temps. Méfie-toi de l'argent qui se gagne trop facilement. Hors du droit chemin, on tombe vite sur des pépins. T'habilles pas comme un guignol, tu me rendras folle avec ton rock'n'roll. Elle répète toujours la même chose, maman. Elle dit, que vas-tu devenir? Aie un peu de respect. Apprends d'abord à vivre, pourquoi n'es-tu pas gay? Y'a plus malheureux que nous ici-bas. Et ne la ramène pas. Ah, maman, c'est une vraie vedette. Écoutez. Même le solo, c'est elle qui l'a écrit. Ce n'est pas un métier. Elle demande toujours la même chose, maman, dans la vie. Que vas-tu devenir? Aie un peu de respect. Apprends d'abord à vivre. Pourquoi n'es-tu pas gay? Y'a plus malheureux que nous ici-bas. Et ne la ramène pas. Ça c'est bien, maman. Annie, Annie. Que vas-tu devenir? Aie un peu de respect. Apprends d'abord à vivre. Pourquoi n'es-tu pas gay? Y'a plus malheureux. Les applaudissements de mes fans, c'est pour elle, ma chanson, et ne la ramène pas. Thank you. Vous allez voir, pour l'apprendre, ça va très vite. Je chante que